Okay. Just a minute. Il me dit des mots. pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Merci, c'était beau. Vraiment beau. Qu'est-ce qui se passe, Sharon? Ah, il est parti. Merci. T'as entendu les oiseaux? Dans ses bras, qu'il me dit tout bas, je vois la vie en rose. Il me parle d'amour, il le fait tous les jours, et ça me fait quelque chose. Une photo de ma fenêtre. j'ai filmé tout à l'heure deux pigeons qui s'acoquinaient, mais j'ai pas fait gaffe. On entend France Inter à l'arrière. Je suis pas carré. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Purée pour la vie. Et dès